Et comme loisir, qu'est-ce que vous faites ? Moi, facile. Je lis ou j'écoute de la musique, dans le métro, dans la rue, chez moi. Bref, tout le temps, quoi. La lecture, c'est ma passion. Ça, c'est vrai. Paul a toujours un livre dans les mains. Moi, c'est le sport. Je cours de temps en temps et je nage 3 fois par semaine. Et j'aime regarder la télévision. Et Olivia, elle fait de la danse. Oui, c'est vrai. Merci. Annie, Fred ? La semaine, les enfants font du sport. Mais le week-end, on adore se promener dans les parcs à pied ou à vélo.